Jadis, l'Armorique était recouverte d'une immense forêt. Celle-ci fut le théâtre des exploits d'Arthur et des chevaliers de la Table Ronde partis à la quête du Graal. Lieu de mystère et de légende au cœur de la Bretagne, Brocéliande est le véritable atrium de la tradition celtique. Aux abords de la forêt, le village de Tréorantoc n'est jamais très loin des récits légendaires de Brocéliande. Son église regorge de mémoires et d'histoires. Ses parties les plus anciennes datent du XVIe siècle. L'abbé Gillard, qui restaura l'église, fit de cet édifice le sanctuaire du Graal. De nombreuses références à la quête du Graal y sont illustrées. Cachée dans les landes au-dessus du village des Folles Pensées, la mythique et fabuleuse fontaine de Barenton agite l'imagination. Des générations d'hommes et de femmes s'y sont rendus en procession les années de sécheresse, implorant ses capacités surnaturelles à déclencher un formidable orage. Certains arbres dont la longévité paraît éternelle puisent leur force dans les entrailles de cette terre. Le chêne des Indrés et ses 6 mètres de circonférence veillent sur la forêt depuis plus de 5 siècles et semblent y être enracinés jusqu'à la fin des temps. Ce microcosme, malgré son éternelle jeunesse, demeure fragile. En septembre 1990, les flammes ont dévoré la vallée. 30 000 arbres ont alors été replantés. Le sculpteur François Davin donna naissance à l'arbre d'or, symbolisant la résurrection. À quelques pas de l'arbre d'or se trouve le miroir aux fées. Il s'agit d'un lac entouré d'une forêt si dense que la surface de l'eau, abritée du vent, y demeure tout à fait figée. La légende prétend que les fées y cachaient leurs bijoux les nuits de pleine lune et que quiconque désirait leur subtiliser se voyait enfermé à jamais dans les eaux du lac. En taille profonde dans le schiste rouge, le Val sans retour égare toujours ses visiteurs dans le lacis de ses vallées. Ce havre de paix vit se dérouler les désillusions amoureuses de la fée Morgane, redoutable demi-sœur du roi Arthur. Si le promeneur innocent peut y errer sans danger, le Val, ensorcelé par la fée Morgane, renfermait en revanche un sortilège fatal aux chevaliers infidèles. Tout amant volage qui s'y aventurait était pris au piège d'une invisible muraille d'air. Une fois à la merci de Morgane, il perdait toute notion du temps et croyait résider en un lieu voué à tous les plaisirs. Dans le contrebas du Val, s'écoule un ruisseau qui guide les pas du promeneur vers un univers des plus intrigants. Telles sont les légendes appartenant au passé mythique de la forêt de Brocéliande. Mais, de nos jours, lorsque le promeneur s'y engouffre, peut-il échapper aux esprits qui semblent y résider pour l'éternité? Enraciné dans cette terre de mythes, chaque arbre détient en son cœur un chapitre de l'histoire de cette forêt. Qu'entendriez-vous ces mêmes arbres vous raconter si vous saviez décrypter leur langage? À la nuit tombée, la forêt de Brocéliande laisse entrevoir ses aspects les plus énigmatiques. Lorsque la féerie s'assombrit, lorsque l'enchantement devient maléfice. Vos appels au secours seront-ils entendus? Ou bien se perdront-ils dans les méandres du temps? Retrouverez-vous votre chemin une fois capturé par l'aveuglante noirceur de la forêt?